بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نخوض المسألة 17. لستم مسألة في قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. Dans le sens où Allah عز وجل dit: et qui donc est plus injuste que celui qui empêche ou qui empêche dans les masajid d'Allah que son nom y soit cité. Sourate al-Baqara, toujours verset 114. Qala al-istifhamu fi hadhihi al-ayati inkariyun wa ma'nahu an-nafi fal-ma'na la ahad azlamu mimman mana'a masajid Allah. Donc là c'est un usul qui s'appelle istifham inkari, c'est-à-dire que une question est posée dont on n'attend pas une réponse, et c'est plutôt dans le sens pour faire une négation. Et le vrai sens, en fait, ce n'est pas une question posée, mais c'est une affirmation qu'il n'y a personne qui est plus injuste que celui qui empêche que le nom d'Allah Azzawajal soit évoqué dans les masajid. D'accord ? Ce n'est pas une vraie question dont on attend une réponse, mais en fait, on affirme une chose négative. Allah affirme qu'il n'y a personne qui soit plus injuste que celui qui agit de la sorte. هذا هو استفهام إنكاري. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف هذا، كقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Et dans d'autres versets, il est venu des choses qui s'opposent à ce verset-là. Comme dans la parole de Allah, dans le sens où il dit, et qui donc est plus injuste que celui qui forge des mensonges sur Allah. Ou un mensonge sur Allah Azzawajal. Surat al-An'am, les bestiaux, verset 144. Et également venu dans Surat al-A'raf, verset 37. Et également Surat Yunus, verset 17. Et dans Surat al-Kahf, la caverne, verset 15. Ce verset se répète. وقوله فمن أظلم ممن كذب على الله. Et qui donc est plus injuste que celui qui ment sur Allah. Sourate Az-Zumar, verset 32. وفي قوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. Ou dans le sens Allah dit: et qui donc est plus injuste que celui qui est rappelé les versets d'Allah et s'en détourne. Dans Surat al-Kahf, la caverne, verset 57. Et également, le même verset est venu dans Surat al-Sajda, verset 22. Et d'autres versets dans le même sens. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Allah, en différents endroits de son livre, dit, et qui donc est plus injuste que telle personne qui fait telle et telle chose. Donc cela pourrait amener à la confusion. Quelqu'un pourrait dire, comment à cet endroit qui est plus injuste que telle chose? Et plus tard, qui est plus injuste que telle chose dans un autre domaine. قال للجمع بين هذه الآيات أوجه. Donc il a dit il y a plusieurs réponses pour ce verset-là. منها تخصيص كل موضوع بمعنى صلته أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا تخصصت بسيلتها زال الإشكال. Il dit maintenant en premier lieu que chacun est particularisé pour le domaine dans lequel il est employé. Mathalan, il dit qu'il n'y a personne parmi ceux qui empêchent de faire quelque chose que celui qui empêche que le nom d'Allah soit évoqué dans les masajid. De l'autre côté, il dit qu'il n'y a personne parmi ceux qui forgent des mensonges plus injuste que ceux qui forment des mensonges, qui forgent des mensonges sur Allah Azzawajal. Et ainsi de suite. Donc chacun est plus injuste dans le domaine dans ce qui lui a été reproché. Parmi les gens qui agissent de la sorte, le plus injuste c'est celui qui fait telle chose comme Allah l'a cité. Par exemple, tu as des gens, ils vont t'empêcher de faire des choses, et bien le plus injuste est celui qui t'empêche de faire du zikr. Mathalan. هذا وجه. وجه الثاني, deuxième réponse qui peut être donnée, أن التخصيص بالنسبة إلى السبق. أي لما لم يسبقهم أحد لمثله حكم عليهم بأنهم أظلم من جاء بعدهم سالكا طريقهم. وهذا يؤول معناه إلى ما قبله، لأن المراد السابق إلى معانية إلى مانعية والافترائية مثلا. Et deuxième réponse en fait, c'est que ces gens-là, c'est une chose qui est relative. C'est un tarsis, une spécificité relative par rapport aux gens qui les auront précédés. Il veut dire quoi par là? Qu'en fait, que personne ne vous a précédé dans cet acte, donc vous êtes pire que ceux qui viendront le faire après vous. Yani, personne ne vous a empêché, n'a empêché les gens d'évoquer le nom d'Allah Azza wa Jalla dans ses masajid. Donc celui qui fera cela sera le plus injuste par rapport à ceux qui vont par la suite faire la même chose que lui. Que personne n'a forgé de mensonge sur Allah Azza wa Jalla. Donc le plus injuste est celui qui fera cela, d'accord, il sera plus injuste que ceux qui viendront par la suite. Ainsi de suite. Hadha waj. Et là, troisième réponse, qui sera la plus forte pour l'auteur. قال ومنها ودعا أبو حيان أنه هو الصواب وهو محاصله. Donc là, c'est une réponse apportée par Abu Hayyan. Et il voit que c'est la bonne réponse. Voilà ce qu'il dit. أن نفي التفضيل يستلزم نفي المساواة فلم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر لأنهم يتساوون في الظلمية. Donc il veut dire par là que le fait qu'il y ait un côté de superlatif, c'est-à-dire quand on dit avlam, c'est le ism tafdil de zal, on peut dire plus injuste, à la waz afhal. On appelle ça un superlatif en français. Donc cette superlativité n'empêche pas une égalité également. C'est-à-dire que quelqu'un qui était considéré comme étant le plus injuste ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit au même niveau que lui. Personne ne sera plus injuste que lui, mais cela n'empêche pas que des gens soient au même niveau que lui. قال فيصير المعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله وممن افترى على الله كذبا ومن كذب بآيات الله. Donc il a dit, personne n'est plus injuste que celui qui aura empêché que le nom d'Allah soit évoqué, également que celui qui aura forgé un mensonge sur Allah Azza wa Jal, également celui qui aura démenti les versets d'Allah Azza wa Jal. ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية. Donc il n'y a pas de problème à dire que tous ces gens-là sont les plus injustes. Lui le plus injuste car il a fait telle chose, lui le plus injuste parce qu'il a fait telle chose, et lui, plutôt, il n'y a pas plus injuste qu'un tel qui a fait telle chose, pas plus qu'un tel qui a fait telle chose, mais non, ils sont tous égaux dans leur azlomiya, dans leur injustice. Mais personne n'est pire qu'eux. ولا يدل على أن أحدهم أظلم من الآخر. كما إذا قلت لا أحد أفقه من فلان وفلان مثلا ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان. Donc il a dit, maintenant ces versets-là ne montrent pas que l'un d'entre eux est plus injuste que l'autre. C'est comme si tu dirais مثلا personne n'a plus de fiqh مثلا que un tel. لا أحد أفقه من فلان. Personne ne comprend plus que un tel. Est-ce que cela empêche que de personne comprennent aussi bien que lui, il n'y a pas d'empêchement. C'est pas comme si on avait dit la ahad مثلاً, la ahad faqihun misl fulan. Là, d'accord. Tu aurais dit personne مثلاً, ne comprend comme un tel. Là, c'est adam metal musawa. Mais quand tu dis la ahad afqah min fulan, personne ne comprend plus que un tel, ça veut dire que personne n'est plus, n'a plus de fiqh que lui, mais n'empêche pas que quelqu'un soit à son niveau. L'équivalent. Naam. Et il cite une autre réponse par la suite, parmi les citées par les contemporains, mais celle-ci, elle est faible. Donc là, c'est la réponse que le shir a donnée, l'auteur a donnée par rapport à ces versets-là, par rapport à « Tafdil fil avlamiyya ». Naam. « Fayla huna, walhamdulillah bil alamin ».